France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour certains événements, pourtant historiques, il y a peu de témoins visuels. Pour d'autres, beaucoup plus. Et pour cause, dans le cas qui nous intéresse, qui va nous intéresser, si les Allemands bombardaient Bordeaux, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait là énormément de monde. Et s'il y avait tant de monde à Bordeaux, c'est qu'il y avait eu l'exode. 1940, les réfugiés. Des bombes très puissantes, sifflantes, la DCA, la clarté soudaine, un fracas épouvantable. Les témoins pouvaient en rendre compte 16 ans plus tard au micro d'André Gillois. Ils avaient vu ou entendu. Vu et entendu. Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne le 1er mars 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Lors de notre première émission, Madame Simone avait exprimé le désir de rencontrer les témoins d'un événement dramatique qui fut le bombardement de Bordeaux en 1940. Et Jean-Pierre Morfet, de son côté, avait rappelé qu'il avait assisté dans cette même ville à l'arrivée du gouvernement quelques jours avant. Et nous avons demandé aujourd'hui aux témoins de ces deux événements de bien vouloir se retrouver autour du micro. Je crois qu'il serait bon, avant que nous n'entendions ces témoins, de demander à Jean-Pierre Morfet, qui est de Bordeaux et qui était à Bordeaux en juin 40, de nous faire, non pas une description de la ville, mais de situer les deux ou trois points principaux afin que ceux qui ne connaissent pas Bordeaux puissent suivre la conversation de tout à l'heure. Bordeaux est une grande ville située en arc de cercle sur la rive gauche de la Garonne, avec un seul faubourg sur la rive droite qui s'appelle la Bastide et un seul pont qui traverse la Garonne. La ville est à peu près coupée en son milieu par le cours de l'intendance que prolonge la rue judaïque. C'est tout près du cours de l'intendance que se trouve le grand théâtre, la préfecture. Les quinconces, qui sont la grande place de Bordeaux, sont légèrement au nord du cours de l'intendance. L'église Saint-Michel se trouve plus au sud et assez près de la Garonne. Et la rue des Remparts est une rue parallèle à la rue Vital-Carle où se trouvaient et l'hôtel du préfet et le quartier général, et assez proche de celle-ci. Le premier témoin est M. Barbary, qui était attaché, je crois, au ministère de l'Information à l'époque et qui a donc vu de très près les événements dont il s'agit. M. Barbary, alors voudriez-vous nous dire ce que vous vous rappelez du premier de ces événements, c'est-à-dire l'arrivée du gouvernement à Bordeaux? Je ne suis arrivé que le lendemain de l'arrivée du gouvernement. Je suis arrivé à la préfecture directement et là, je suis monté dans un bureau qui se trouvait à l'entresol, où se trouvait un colonel d'ailleurs, puisque moi-même j'étais soldat, et j'ai été frappé par une chose, une chaleur insupportable. J'ai porté ma main sur le radiateur et j'ai constaté que le chauffage central marchait à fond. Et nous étions, rappelez la date. Entre le 11 et le 19 juin, environ. J'en ai fait part au colonel, qui m'a dit, mais mon ami, c'est pas vrai, vous me racontez une histoire. Je lui dis, il a tâté, et nous avons su après qu'il s'agissait des documents que l'on brûlait dans les chaudières. Le gouvernement avait donné des instructions. À la suite de ce petit incident, je suis descendu dans le couloir d'accès à la préfecture et à ce moment, j'ai vu l'arrestation de M. Mandel. C'était donc le lendemain de l'arrivée du gouvernement. Je ne peux pas vous préciser exactement. J'ai vu la voiture rentrer, les policiers en civil, un mouvement tumulte, etc. Et je suis sorti dehors et j'ai vu une ribambelle de camions qui se trouvait le long de la rue. Et ces camions n'étaient autres que les fonds de la Banque de France qui avaient suivi le gouvernement depuis son départ de Paris. D'ailleurs, le lendemain de ce jour, nous avons réglé les fonctionnaires à Bordeaux. On en a licencié une grande partie. Ils sont retrouvés dans la nature, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Le quartier général enfin de l'information se trouvait au théâtre de Bordeaux. Et en face, il y avait l'agence Havas, où nous avions une liaison constante, pour nous permettre de transmettre les communiqués, puisque moi-même, j'appartenais à la radio. Autre part, il y a eu le départ du Massilia. où certains hommes politiques sont partis et où on avait fait, on demandait quels étaient les fonctionnaires ou semi-fonctionnaires, puisque je n'étais pas un fonctionnaire, j'étais un soldat, qui voulait accompagner le Massilia. Et à ce moment-là, par curiosité, je me suis rendu sur le port de Bordeaux pour voir le Massilia. Et j'ai vu à côté une vedette militaire qui devait être, je crois, me rappeler, une vedette anglaise, je crois, qui était restée là, qui était en attente de son départ. Et à côté se trouvait un cargo dans lequel il se trouvait des imperméables. Et on nous avait donné l'ordre de récupérer les imperméables. J'avoue que ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas pris d'imperméables. Voulez-vous que nous en venions maintenant au bombardement auquel, sans doute, vous avez assisté? Alors, le bombardement, je me trouvais donc à Bordeaux depuis environ le 11 juin. Le bombardement a eu lieu le 19 juin. J'étais caserné à la Bourse du Travail, c'est-à-dire assez près de la cathédrale. Lorsque l'alerte a été donnée, évidemment, on nous a fait lever et nous avons cherché un refuge. Et je me rappelle, c'est peut-être un manque de courage, nous nous sommes mis derrière les colonnes, nous étions au rez-de-chaussée, et nous avons tourné en rond, en file indienne, derrière les colonnes, en entendant les coups sur la droite, sur la gauche, etc. Lorsque le bombardement a été terminé, curieux, nous sommes sortis. Certains d'ailleurs étaient montés sur la terrasse de la Bourse du Travail, mais enfin, moi je ne suis pas monté. Nous nous sommes rendus dans la ville pour voir ce qui s'était passé, et là, nous avons su par d'autres militaires qui se trouvaient dans une villa, qu'une bombe venait de tomber où se trouvait le maréchal Pétain. J'ai vu le trou moi-même, je suis rentré dans la propriété, il tombait dans un massif à 3 mètres de la fenêtre où était la chambre de Pétain. Mais je ne peux pas dire que le maréchal se trouvait dans la chambre, ça je ne peux pas le certifier. Merci beaucoup, Monsieur Barbary. Nous allons maintenant interroger les autres témoins de ces mêmes événements. Nous allons maintenant avoir le témoignage de Monsieur Cazenave. Monsieur Cazenave, vous étiez donc à Bordeaux au moment de l'arrivée du gouvernement et au moment du premier bombardement, celui dont nous allons parler ce soir. Oui, Monsieur Alors, Gillois. L'arrivée du gouvernement, est-ce que vous en avez vu quelque chose? C'est-à-dire, n'est-ce pas, j'étais autour de la préfecture, par là. J'ai bien vu qu'il y avait énormément de va-et-vient. La préfecture est restée allumée très tard. Et à un certain moment, j'étais avec mon fils, là nous avons vu sortir la voiture du général Végan, qui partait dans une destination que vous ne connaissiez pas. Que je ne connaissais pas. Et on ne s'est pas attardé outre mesure, parce qu'il y avait un va-et-vient constant. Est-ce que vous vous rappelez la date? Mais non, je ne pourrais pas vous dire la date. J'étais à Bordeaux depuis le 5, et je ne saurais pas dire quel jour ils sont arrivés. Le jour du bombardement, est-ce que vous vous souvenez de la date? C'était le 19 juin. Je me rappelle fort bien de la date parce que la veille, donc le 18, nous avions écouté un appel prononcé de Londres par le général de Gaulle et qui nous avait émus profondément. À quelle heure est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé, l'alerte a commencé vers 23 heures. Vous étiez couché? Et nous étions couchés, 12 rue Honoré Tessier. Naturellement, nous avons fait vite parce que le bombardement, la DCA et le bombardement a suivi, je dirais presque aussitôt, si ce n'est pas en même temps. Nous sommes descendus dans un abri, dans une maison voisine, où ça me paraissait d'abord pas très rassurant parce que c'était une maison de 3 étages, mais enfin, puisque la défense passive de Bordeaux l'avait jugé comme abri, enfin, nous sommes descendus là. Alors là, j'aime autant vous dire que le vacarme, ça y est, les DCA et bombes, et puis il y avait des bombes très puissantes, parce que ça faisait un bruit vraiment infernal. Et entre-temps, il y avait des chapelets de bombes sifflantes, et puis qui n'éclataient pas. Finalement, alors ces bombes-là n'éclataient pas. J'ai su par la suite, je puis vous le dire, qu'elles étaient tombées dans la Gironde et de ce fait n'avaient pas causé de dégâts. Bien là-dessus, on monte se coucher et une deuxième alerte a eu lieu au lever du jour, on va dire, est-ce que c'était vers 4h30, peut-être 5h, enfin de très tôt le matin. Le jour se venait de se lever à peine. En tout cas, il n'y a pas eu ni DCA, ni lâchage de bombes. Sitôt la fin de l'alerte, je me suis rendu derrière l'église Saint-Michel, qui n'était pas très loin de l'endroit où nous étions descendus. Alors là, je vois encore le coup d'œil, c'était pas bien joli. Il y avait beaucoup de voitures qui avaient passé la nuit avec leurs occupants. Et malheureusement, dans ces voitures-là, il y a eu des victimes. Sur le côté de l'église, il y avait une maison qui était effondrée. Et déjà, après la première alerte, on avait mis des piquets et entouré de cordes à seule fin qu'on ne puisse pas approcher. On nous a dit à ce moment-là que les bombes avaient crevé les conduites d'eau et que les personnes qui étaient descendues à la cave avaient péri noyées. En ce qui concerne le bombardement, voilà tout ce que j'ai à dire. Nous allons maintenant demander ces souvenirs de ces mêmes événements à Madame Dagnan. Madame Dagnan, vous étiez donc à Bordeaux au moment du bombardement et expliquez à Madame Simone ce que vous y avez vu, puisque c'est elle qui voulait entendre les témoignages de ceux qui avaient assisté au même événement qu'elle. Eh bien, nous habitions au 50 de la rue des Remparts et j'avais reçu des réfugiés, des cousins de Paris. Et le soir nous nous sommes couchés, et vers minuit, je crois, ou une heure du matin, mes souvenirs ne sont pas exacts, je crois que c'était, nous étions couchés, nous avons entendu non pas la sirène, mais déjà des bombes. Et nous nous sommes habillés précipitamment, et dans l'obscurité, bien entendu, ça a ménagé quelques rires de la part de mes filles et de moi, parce que nous ne trouvions pas ce qu'il fallait pour se rhabiller, et nous avons descendu le petit escalier intérieur de notre appartement. Et ma fille cadette, là, a reçu deux petits éclats de bombes. Nous sommes descendus, mes cousins ont été alertés aussi, nous sommes tous descendus à la cave et nous avons entendu là pas mal de bombes siffler puisque notre quartier a été assez arrosé. Entre autres, une bombe qui est tombée, nous l'avons su le lendemain, bien entendu, au 25 de la rue des Remparts, où il y avait une pension de famille. C'est là qu'il y a eu cet horrible accident où la cave a été inondée. Est-ce que c'est là? Non, je crois que là, c'est du côté de l'église Saint-Michel. Ah oui, en effet. Mais là, naturellement, on a interrompu la circulation. Les agents, dès le lendemain, sont venus. Et moi-même, qui habitais la rue, je n'ai pas eu le droit de passer de ce côté-là. Heureusement, nous avions un passage, nous, par la rue de Rua. Et quand nous avons pu passer, j'ai regardé naturellement cette maison qui était complètement écroulée à l'intérieur. La bombe avait dû pas tomber en plein milieu, oui. Car même les fenêtres avaient dû être volatilisées comme le reste. Et j'avais pu voir que l'escalier qui se trouvait sur la droite avait tenu. Et sur la gauche, au deuxième étage, il restait un rectangle de plancher sur lequel restait un lit et une forme, un être qui avait été trouvé la mort, là, dont le bras pendait en dehors du lit. Et la chose la plus curieuse que j'ai pu remarquer, la première fois, je n'ai pas cru que c'était possible. Je suis retournée plusieurs fois pour constater. La lampe électrique et une glace étaient intactes. Eh bien, je vous remercie, Madame Dagnan, de ce récit très précis. Est-ce que vous avez, chère Simone, des questions à poser? Est-ce que vous vous rendez compte de combien il y a eu de vagues ce bombardement? Est-ce que vous êtes rendu compte de cette particularité, moi, qui m'avait tellement frappée? C'est qu'en somme, la formation de bombardement se signalait par un bruit qui allait en enflant, puis qui augmentait, oui. Et puis qui passait sur nos têtes, puis les bombes tombaient, et ça s'éloignait. Et à peine était s'éloigné qu'on entendait une autre vague. Bien. Et vous êtes-vous rendu compte combien il en était passé? Oh non, certainement pas, car nous étions assez nombreux. Et oui. J'avais une cousine qui avait très très peur, de sorte qu'il fallait alimenter la conversation pour l'empêcher de penser. Ce qui n'empêchait pas vos enfants de rire beaucoup et de s'amuser parce qu'elles ne trouvaient pas leurs affaires dans la nuit. Évidemment, ah oui, il y a toujours sûr. Il y en a une de blessée quand même. Oui. Non, rien du tout. Un petit éclat que nous avons conservé pendant longtemps, n'est-ce pas? C'était très héroïque d'avoir reçu ça. Et par la suite, elle a fait la guerre. Alors, c'était bien. Nous allons maintenant demander son témoignage à M. Zimmermann. Vous étiez à Bordeaux, monsieur, en juin 40. Voulez-vous expliquer, Madame Simone, ce que vous avez vu et entendu, puisqu'il s'agit d'un bombardement? Je me trouvais au mois de juin 40 à Mérignac, à l'hôpital complémentaire Sauffrignon, en qualité malheureuse de blessé. Ayant été blessé le 14 juin, je suis arrivé à Bordeaux le 17 et transporté à l'hôpital complémentaire. Je puis situer 2 jours après le bombardement de Bordeaux, soit dans la nuit environ du 19 au 20. L'heure du bombardement m'est difficile puisque je n'avais pas de montre, ma montre ayant elle aussi été blessée dans l'incident. Je puis la situer d'après la hauteur de la lune, c'est-à-dire à son zénith environ, et il y avait ce soir-là une clarté formidable. On y voyait clair comme en plein jour, ce qui m'indique donc que le bombardement devait avoir lieu vers minuit, parce que lorsque j'ai été blessé, la lune était du soir, et que nous nous trouvions à ce moment-là, à l'époque de la pleine lune. Du bombardement pur, il est difficile de relater des faits visuels, puisque dans le fond, nous sommes des témoins qui n'avons rien vu. Je puis donc relater ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hôpital complémentaire Sauffrignon à Mérignac. Pour la question de l'alerte, je n'ai pas pu l'entendre puisque je dormais à ce moment-là et j'étais réveillé par la DCA qui donnait faiblement à côté de nous. On entendait très bien les coups de départ suivi du sifflement de l'obus qui part, puis son éclatement dans le lointain. Nous avons entendu l'eau voler des avions et je pouvais les estimer à assez haute altitude et volant isolément. Le bombardement ne m'a pas semblé un bombardement massif sur un objectif bien déterminé et j'ai pensé à ce moment-là à un bombardement plutôt genre de harcèlement, fait spécialement pour démoraliser une population. Que voulez-vous qu'un blessé fasse dans la nuit, sinon attendre que ça se passe? Cloué sur son lit, il ne peut rien faire, il lui reste donc qu'à penser, puisque dans le fond, la nuit porte conseil. Et comme à cette époque-là, nous venions tous un petit peu du nord, et que la plupart des blessés qui se trouvaient en soins là provenaient de la division d'infanterie, la 2e division d'infanterie nord-africaine, nous trouvions avec quelques Nord-Africains. Et je me suis amusé à regarder quelle était l'influence d'un bombardement sur les différentes catégories ethniques qu'il pouvait y avoir dans notre hôpital. Je pensais me trouver, bien entendu, avec des gens impassibles, n'ayant, en raison de ce qui m'avait été décrit, aucune réaction apparente, et je me suis aperçu que tout le monde se comportait à peu près de la même manière, aussi au point de vue énervement, au point de vue vouloir voir, et naturellement sur les fonctions digestives et urinaires. J'ai tout de même remarqué que ces hommes qui avaient subi un entraînement continuaient à garder la même tactique, c'est-à-dire que lorsqu'ils avaient besoin de sortir dehors, ils recherchaient les zones d'ombre de manière à ne pas indiquer par l'ombre leur présence. Où est Mérignac par rapport à Pessac? Parce que moi, j'ai subi le bombardement à Pessac. Enfin, je ne peux pas vous dire où est Mérignac par rapport à Pessac, ne connaissant pas Bordeaux. Ah, oui. Jean-Pierre Morphy peut peut-être nous renseigner. Oui, Mérignac est une commune de la banlieue bordelaise contiguë à Pessac au nord. En somme, vous avez entendu presque les mêmes choses que moi. D'ailleurs, Pessac est, je crois, à 6 km de Bordeaux. 6 km. C'était à peu près pareil. En tout cas, M. Zimmermann s'est très bien observé et analysé ses propres observations. Vous êtes spécialiste de la météorologie? Non. Parce que votre histoire sur la Lune est des plus intéressantes. Et c'est très intéressant parce que, voyez, j'avais oublié, moi, cette chose de la Lune. Et au moment où vous l'avez dit, j'ai revu notre jardin, en effet, et éclairé exactement, enfin presque comme en plein jour, c'est-à-dire avec des ombres qui étaient si nettement dessinées qu'en effet un homme qui sortait pouvait avoir à prendre garde de ne pas faire dessiner son ombre par la lumière. Oui. Ça c'est très très juste ce que vous avez remarqué là. Eh bien merci infiniment Monsieur Zimmermann. Nous allons maintenant demander à Madame Peuvot, qui est près de moi et qui a bien voulu venir témoigner sur ce même événement, d'expliquer à Madame Simone ce qu'elle a vu, ce dont elle se souvient. Le mercredi 19 juin 1940, j'arrivais à Bordeaux avec une dame par la route et nous nous sommes arrêtés à la Bastide, vu l'embouteillement, impossible d'avancer. Après le dîner, nous avons dit, c'est pas la peine de chercher une chambre, on va coucher dans la voiture. Alors, à minuit, l'alerte. Nous nous sommes précipités dans la première cave venue et aussitôt l'alerte, aussitôt les bombes. Nous sommes restés à peu près jusqu'à 11h30, je ne peux pas vous dire à une demi-heure près. Le matin, une autre alerte, mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de bombardement. Il n'y a pas eu de bombardement, moi. Non. Dans la matinée, nous avons appris, je me souviens du nom, que c'était à la Souille, à gauche du pont, une usine qu'on avait bombardée. Et c'était près de nous. Après l'alerte, enfin, par la fin du bombardement, vous êtes retourné dans votre voiture? Oui. Vous n'êtes pas resté dans la cave? Oui, je ne l'ai pas dit. Et est-ce que vous vous rendez compte combien de temps a duré le bombardement? Presque 2 heures. Quels sont vos autres souvenirs? Alors, l'après-midi, nous sommes allés à Bordeaux et nous sommes passés place des Quinconces, ou alors des Astres, des grands trous avec les bancs tordus par terre. Et maintenant, je vais vous conter un fait qui a son importance, et je crois même à mon avis que le destin a joué. J'ai une belle-fille qui habite Boulogne-sur-Seine et qui avait quitté Paris également, et qui travaillait à la poste de Bordeaux. Le soir du bombardement, une collègue lui dit « Veux-tu venir dîner ? Et tu coucheras si tu veux. » Heureusement qu'elle a couché. Elle habitait une pension de famille. Quand elle revient le lendemain, croyant monter dans sa chambre, plus de maison, rue des Remparts. Ah, oui, on est... Plus de maison, plus tous les occupants étaient dans la cave, les gens du dehors leur donnaient à boire, et ils criaient « Sortez-nous, sortez-nous ». En somme, elle a été sauvée par cette invitation. Et alors, quelques jours après, elle est venue pour demander des nouvelles, et alors on lui a dit qu'ils étaient tous morts, qu'il n'y avait pas un escapé. Merci infiniment, Madame Peuvot. Et voici un nouveau témoin de ces événements de Bordeaux 1940, Madame Sadier, qui va nous expliquer ce qu'elle a vu à cette époque et à cet endroit. Voulez-vous l'expliquer à Madame Simone, qui est en même temps que vous témoin et qui voudrait bien vous entendre? J'habitais avec mes parents dans une impasse située dans la rue Judaïs. C'était assez central. Et ce jour-là, c'était vers 11h30 du soir, je travaillais, parce que j'étais étudiante, je travaillais assez tard. J'ai vu dans l'impasse, nous avions un lampadaire qui s'éteignait quand il y allait avoir des alertes. La lampe s'est éteinte et je me suis préparée. Nous avions toujours quelque chose à faire et j'allais, moi, éteindre toujours le compteur à gaz. Je me suis donc approchée du compteur à gaz et je ne crois pas que l'alerte avait commencé à être donnée. Je me suis rendu compte que j'étais à peine arrivée quand j'ai entendu un sifflement très, très prononcé. Oui. Comme si vraiment la bombe, parce que je n'avais jamais entendu de bombardement, c'était, mais je me suis tout de suite rendu compte que c'était qu'on bombardait, et que j'ai cru que ça allait rentrer tout à fait dans la maison, tellement c'était fort. Je me suis mis contre le mur et en me disant, ma seule impression était ceci, de toute façon ça ne sera pas long. Et alors, j'ai entendu en effet un énorme bruit, enfin un fracas épouvantable, beaucoup de bruit de vitres surtout, et puis enfin des bruits sourds. Et à ce moment-là, la première des choses que nous avons pensé à faire, c'est d'aller dans les abris. On s'est habillé un petit peu à la hâte et on est descendu parce que notre abri était situé en face. Nous sommes arrivés dans l'abri. J'ai remarqué l'odeur, c'était tout à fait lourde, cette espèce de poussière que j'ai respirée en passant dans la rue. Et je suis restée dans l'abri, donc avec une dizaine de personnes. Et là, nous avons entendu les bombes à intervalles très réguliers, n'est-ce pas ? Mais enfin, qui s'éloignait quand même. Ça n'a pas duré très longtemps dans notre secteur. Et puis, le bruit s'atténuant, comme tout bon français, nous avons voulu voir ce qui s'était passé et nous sommes sortis. La fin d'alerte n'était pas donnée. Nous sommes allés, alors donc, cette bombe que j'ai entendue, n'est-ce pas, était tombée au milieu de la rue de la Baie de l'Épée, qui est à l'angle de la rue judaïque. Et cette bombe était tombée absolument au milieu de la rue. Alors les immeubles n'étaient pas du tout endommagés. Mais toute la rue, le pourtour, enfin l'endroit où la bombe avait explosé, toutes les vitres d'abord des grands magasins avaient été complètement pulvérisées. Et nous marchions vraiment sur un tapis, un tapis de verre. Et la chose ahurissante que j'ai vue en arrivant devant ce trou d'obus, ça a été une voiture qui était, comment dirais-je, comme en équilibre sur le trou. Ah oui, qui était les deux, bord. Oui, c'est ça, les deux roues de devant étaient en équilibre. Et il y avait un soldat qui était là, qui nous expliquait que cette voiture avait été un peu aspirée, paraît-il, de l'autre bout de la rue, vers ce... Et que le monsieur était sorti, le conducteur était sorti tout à fait affolé, en hurlant, n'est-ce pas, de terreur. Mais moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est d'entendre à ce moment-là quelqu'un qui criait, qui poussait des sons tout à fait désarticulé, et j'ai cru que c'était vraiment quelqu'un qui était devenu fou, alors que j'ai su par la suite que c'était un sourd-muet qui sorti. Une bombe est tombée dans la maison, ou à côté de la maison des sourd-muets. Et alors cette personne est sortie absolument avec des cris, évidemment, comme il pouvait faire. Une onomatopée bizarre. C'est ça, et j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un qui était... Alors, ce soldat qui était là nous a dit d'un ton très pittoresque, n'est-ce pas, si vous restez là, c'est à vos risques et périls, parce que si vous revenez, comme je l'ai dit, vous serez tous chocolat. J'ai trouvé cette expression très amusante à ce moment-là, où on était très tendus, ça a remis le sourire un peu sur les lèvres. Et nous sommes revenus dans l'abri, où nous sommes restés jusqu'à la fin de l'alerte. Et quand l'alerte a été terminée, nous sommes ressortis pour voir l'autre côté, c'est-à-dire les allées d'amour, l'église Saint-Seurin avait été assez... Il y avait un immeuble, la rue Casté-Jacques avait été très... démolie, la bombe était tombée jusqu'à la cave, enfin à peu près, parce qu'on sentait de fortes odeurs de gaz et on a laissé les gens très en arrière. Et puis alors, la bombe qui est tombée dans l'abri des allées d'amour, c'était très impressionnant, parce que vraiment, souvent, en tant que parisienne à Bordeaux, on avait beaucoup raillé les Bordelais de tous les travaux, tous ces travaux qu'ils faisaient. Ils avaient absolument massacré toutes leurs allées avec des tranchées. Nous disions, c'est absolument inutile, jamais les Allemands ne viendront jusque-là. Et après, nous nous sommes rendus compte que vraiment, c'est encore plus atroce, il me semble, quand on voit des gens qui périssent dans un abri qui a été construit comme ça. C'est vrai. Je crois que ce qu'il y a eu de très pénible, c'est que toutes ces maisons de Bordeaux étaient très peu solide et surtout les caves n'étaient pas voûtées. Oui. Alors on était là absolument. Ah, c'était une folie de descendre dans la cave. Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte après que c'était vraiment. Est-ce qu'on vous rendez compte combien de temps le bombardement a duré? Eh bien, je pense environ une heure. Oui. En dehors de ce bombardement, puis-je vous demander, madame, si vous avez un souvenir sur l'autre événement dont nous parlions tout à l'heure, qui est l'arrivée du gouvernement à Bordeaux? J'étais étudiante, comme je vous disais tout à l'heure. Je devais passer un examen et on nous a arrêtés devant la faculté. Ça devait être vers le 14 ou le 15 juin, parce qu'on nous a dit que la faculté est réquisitionnée parce que le gouvernement va venir s'installer à Bordeaux. Alors, donc, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte de la chose. Et je me souviens très bien être restée avec mon père très longtemps dans la nuit, le soir où le gouvernement est arrivé. Nous étions dans le cours de l'intendance. Nous avons vu toutes ces autos arriver. C'était très funèbre. On avait une impression d'enterrement. Les gens ne parlaient pas, les gens étaient vraiment écrasés. Et puis là, on ne savait pas tout ce qui allait se passer, c'était surtout ça. Et alors, naturellement, c'est à peu près tout ce dont je me souviens pour ça. Mais enfin, vous l'avez vu, cette arrivée. Ah oui, c'est ça, j'ai vu l'arrivée. Oui. J'ai même vu Paul Reynaud dans une auto qui s'est arrêtée assez longtemps devant moi. Et je vous dis, je ne vois pas autre chose parce que... Mais tout ce que vous dites là est très intéressant parce que c'est extrêmement précis. Oui, enfin, vous avez été étudiante. Vous avez donc entendu ces divers témoignages. À ceux-ci, je pourrais ajouter évidemment la lecture d'un si grand nombre de lettres que nous n'en finirions pas, je voudrais encore une fois tout de même remercier tous les auditeurs qui se donnent la peine d'envoyer de véritables rapports sur ce qu'ils ont vu et qui sont de véritables témoignages. Mais nous allons confronter seulement ceux que nous avons entendus. Jean Berlet, quelles sont vos premières impressions ? Ben, mes premières impressions, puisque j'étais à Londres et pas à Bordeaux en juin 40, c'est de voir que les personnes que nous avons entendues ont décrit ce bombardement qui était en somme un très petit bombardement à côté de ceux que différentes villes de France ont subis, comme Rouen, Paris, Saint-Lô, etc. Mais qui était en effet un petit bombardement d'intimidation pour hâter le gouvernement de demander l'armistice, comme on l'a su depuis, et qui a paru terrifiant aux gens qui l'ont vu, n'est-ce pas ? Ce qui me frappe, c'est que ces personnes n'ont pas insisté sur l'extraordinaire drame national qui se jouait à Bordeaux à ce moment-là. Elles ont vu ça, encore une fois, tout près d'elles. Et j'aimerais bien que Simone et Jean-Pierre Morphée, qui étaient à Bordeaux justement, retracent un petit peu l'atmosphère qui était tout de même quelque chose oui. de... C'est dû à pour cela que... terrifiant, c'est... enfin. Oui, mais c'est la raison pour laquelle j'avais du reste attiré l'attention sur cet événement. Bien sûr. C'est qu'en effet, ce qu'il y avait d'extraordinaire, le bombardement a été, comment dirais-je, un épisode au milieu d'un drame absolument épouvantable qui a été non seulement l'arrivée du gouvernement, qui était relativement peu de choses, mais l'arrivée de Paris tout entier. Car enfin, nous avons vu, je ne sais pas si Jean-Pierre Morphée l'a vu comme moi, moi j'habitais dans Pessac. Depuis le mois d'octobre, j'étais à 6 km de Bordeaux, mais je suis venue à Bordeaux tous les jours au moment de ce drame, et j'ai vu positivement Paris se vider comme un sac de confettis sur la place du Grand Théâtre, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, beaucoup plus de Paris, car nous pouvions exactement, depuis Bordeaux, suivre le recul de l'armée française aux lettres d'immatriculation des voitures. On a exactement. Commencé par voir arriver les voitures belges, puis les immatriculations du Nord, et puis Paris, et puis la Touraine, et à la fin, on voyait les gens d'Angoulême qui venaient se réfugier à Bordeaux. Oui, et surtout, alors, les Parisiens que nous connaissons, et surtout, c'était quelque chose d'absolument terrifiant parce que toutes les voitures étaient rangées sur la grande place devant le théâtre de Bordeaux. Les gens sortaient, il y avait là des matelas, il y avait là des enfants, il y avait là des nounous, il y avait là des couples. Nous les connaissions les uns et les autres, hagards, ne se lavant pas, ne trouvant pas à se loger. D'ailleurs, là, j'en ai une preuve puisque la maison que nous habitions à Pessac était une maison où François et moi nous avons habité seuls pendant 7 mois. Et tout à coup, la maison était pleine de 18 personnes, enfin, car tous les amis que nous pouvions cueillir, nous les avons recueillis à ce moment-là. Et il y a eu évidemment. Non pas seulement une panique, mais un désespoir, n'est-ce pas ? Car tout ceci était tout de même le reflet de cette défaite épouvantable de ce pays qui se défaisait comme un tricot. Au milieu de tout ça, nous étions sans nouvelles de notre garçon. Combien d'autres étaient dans notre cas ? Et alors, on vivait dans une espèce de tension et de drame affreux. Quant au gouvernement, moi j'ai su qu'il était arrivé, mais je n'ai pas vu le gouvernement arriver. La personne qui nous a fait un tellement bon compte-rendu, n'est-ce pas ? Oui, a vu arriver. Il a dit qu'il y avait là quelque chose de funèbre. Et en effet, il devait y avoir quelque chose de funèbre. Je me rappelle le maréchal Pétain traversant l'hôtel de Bordeaux où j'avais alors une amie qui était là, que j'avais été voir, et avec évidemment un visage de catastrophe comme nous l'avions tous. Mais je trouve, à mon avis, ce qui a eu le plus dramatique, ça a été cette espèce de France qui se vidait sur cette place. Et je ne peux pas dire autrement que de le comparer à un sac de confettis. Vous savez, quand il y a la confusion des couleurs, quand la poussière s'en mêle, quand le désordre en est. C'était quelque chose vraiment de dramatique et d'abominable par le fait que tout était mêlé, tout était. Classes étaient mêlées, toutes les espèces étaient mêlées. Alors nous avions les gens que nous connaissions le mieux, les gens que nous connaissions le moins, tout le monde dans le même état de drame et de désespoir. Alors pour moi, l'arrivée du gouvernement n'a été que le signe, évidemment, qu'un espèce de point final. Mais depuis 8 jours déjà, nous assistions peu à peu, comme le dit si bien Morphée, à une arrivée qui était de plus en plus pressée, n'est-ce pas, de plus en plus abondante et qui nous indiquait en effet à quel point le pays était à bout. Enfin, on peut signaler qu'on a calculé qu'environ 1 million de personnes sont arrivées dans Bordeaux, dont la population était de 400 000 habitants. Alors, il y a eu un moment absolument épouvantable, c'est quand cette grande ville qui n'a qu'un seul pont, quand les voitures étaient à touche-touche, n'est-ce pas ? Il y avait 5 ou 6 rangées de voitures sur cet énorme pont et qui n'avançaient pas, puisque pour traverser le pont, il fallait 5 heures. Les voitures mettaient 5 heures. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit, si un avion passe et bombarde, qu'est-ce que ça va être si un avion allemand passe et bombarde ? Or, il n'en est pas passé. Ils n'ont pas bombardé, ce qui indique bien en effet ce que vous disiez. Mais naturellement. Que ce petit bombardement, et vous avez bien raison, et nous avons une espèce de honte, enfin moi tout au moins, à parler devant vous et devant Gillois qui avait supporté les vins et tout ce qui s'ensuit, à Londres de parler de ce bombardement qui en effet a été relativement bien peu de choses. Qui était simplement un petit coup de cravache pour dire allons, vivement le nouveau gouvernement. C'était bien le sentiment que François et moi nous avons eu, c'est que c'était tout simplement une incitation à se dépêcher et à ne pas les faire attendre pour signer. Ce bombardement, malgré tout, à mon avis, moi, le souvenir que j'en garde, était assez agaçant, tout au moins, parce qu'il s'est fait par vagues successives. Et j'ai été surprise que les personnes qui étaient des témoins, là, n'en aient pas parlé, mais ça tient probablement au fait qu'elles étaient dans des caves. Alors que la maison que nous habitions à Pessac, c'était beaucoup plus simple, il n'y avait pas de cave, il n'y avait pas à descendre dans des caves, il n'y avait qu'à attendre à savoir si ça nous tomberait dessus ou pas. Et comme nous étions près du passage à niveau, nous avions l'impression, assez juste, je crois, que les avions passaient très, très près de nous. Et alors, ce qu'il y avait d'assez irritant pour les nerfs, c'est qu'on les entendait très nettement arrivé. Et alors, il y a eu, moi j'ai compté, il y a tout de même eu 22 vagues successives. Et alors, ils arrivaient, et puis quand ils étaient à la hauteur du passage à niveau, ils lâchaient leur torpille. Elle faisait zzz, on disait, bon, elle n'est pas pour moi, puisqu'elle a fait zzz très bien. Et alors, j'avais la chance à ce moment-là d'avoir chez moi Edmond Jaloux et sa femme, et nous étions réunis dans le salon. J'ai dit, bah écoutez, au lieu de penser au bombardement, nous ferions beaucoup mieux de faire le point de ce qui est la situation du roman à l'époque où nous sommes. Mais Jaloux n'était pas de cet avis. Il me disait, bah, je trouve qu'on ferait mieux d'aller dans le jardin. J'ai dit, on n'a pas dans le jardin. C'était d'ailleurs, oui, c'était assez juste d'aller dans le jardin. Quoi que je dois dire, je ne suis jamais dans un abri pendant les bombardements de Londres, je restais à me promener par-ci par-là, mais à Bordeaux, je serais certainement allé dans une case. Ah, c'est vrai. Mais pas pour les bons. Ah ben vous auriez eu bien raison, parce que moi, les caves, c'était la chose qui me faisait le plus peur. Très souvent, depuis, enfin, quand j'ai revu Jaloux et sa femme, hélas, maintenant, Jaloux n'est plus, mais combien de fois sa femme m'a dit, enfin, c'était tout de même une drôle d'idée de vouloir à tout prix faire le point du roman français à cette époque, pendant des torpilles. Vous aviez absolument raison. J'avais raison. Et l'un de nos amis anglais qui était avec nous à la BBC à Londres, à Gillois et à moi, nous nous rappelons, quand ça devenait le plus mauvais, il lisait tout haut des vers de Virgile. Mais il avait raison. Que nous ne comprenions pas, d'ailleurs. Mais peu importe, enfin, c'est une bonne attitude, mais c'est oui. Ce qu'il faut faire, quoi, ça sert-il. Et puis d'ailleurs, il y avait dans la maison Jérôme Tarot qui dormait tant qu'il pouvait. Il avait eu tellement de bombardements dans sa vie, ça lui était égal. François avait décidé de ne pas se lever et de dormir. Pour en revenir au témoignage que nous avons entendu, il est bien évident que, comme dans tous les événements du reste, et spécialement dans un événement aussi dramatique, les gens ne peuvent pas penser à avoir des idées générales à ce moment-là, penser aux répercussions et aux causes d'un bombardement. Ils sont pris par l'immédiat, et il est même très rare d'avoir des réflexions comme un de nos témoins a eu. J'espère que ce ne sera pas long. Oui. En général, les gens sont tellement saisis qu'ils ne pensent même pas. Oui. Il leur reste des images oui. très significatives. Du reste, vous avez remarqué que la plupart des gens qui nous ont parlé de ce bombardement nous ont surtout raconté ce qu'elles en avaient vu le lendemain. L'histoire oui, très curieuse de la lampe électrique, c'est un souvenir oui, oui, du lendemain. Oui, oui, hein, oui, c'est vrai. Le souvenir du moment même, il n'y en a pas sinon du oui. bruit. Il y a une chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'un de nos témoins a dit qu'il avait assisté à l'arrestation de Mandel. Or, c'est tout à fait faux, car Mandel a été arrêté au Chapon Fin pendant qu'il déjeunait avec Bretty et avec Louise Weiss. Oui, de plus, il a situé ça le lendemain de l'arrivée du gouvernement. Or, c'est absolument faux. Je rappelle que l'arrivée du gouvernement, c'était le 15 juin et que Mandel a été arrêté le 22, c'est-à-dire une semaine après. Par un autre gouvernement, qui était le gouvernement Pétain, alors qu'il était arrivé avec le gouvernement Reynaud. Exactement. Il était encore ministre le lendemain. C'est ça. Par conséquent, ce souvenir-là était faux. De la même façon, d'ailleurs, que l'embarquement des parlementaires ne s'est pas fait à Bordeaux, sur le Massilia, mais au Verdon. J'ai remarqué que l'un des témoins a situé le bombardement de Bordeaux par rapport au premier appel de De Gaulle. Vous avez remarqué ? Oui. Et c'est étrange qu'il y ait si peu de gens qui aient entendu ce premier appel de De Gaulle. Je ne l'avais pas entendu. Moi non plus, et j'étais à Londres. Oui, nous ne l'avons pas entendu. Et comment est-ce qu'il a pu l'entendre, lui, à Bordeaux ? C'est très simple, Jean-Verlet. Il y avait des gens qui avaient pris l'habitude d'écouter la radio anglaise avant même. Oui, pendant la drôle de guerre. Alors ceux qui avaient cette habitude. Et surtout, on l'écoutait pendant cette période tragique parce qu'on voulait avoir des nouvelles, car on n'en avait pas par la radiodiffusion. Ah oui, par la française. Qui s'appelait je ne sais plus comment à ce moment-là. Pour l'appel du général de Gaulle dans la soirée du 18 juin, moi je l'ai entendu dans la soirée, je ne sais pas si c'était le premier ou une nouvelle diffusion. Et c'était une nouvelle diffusion, une nouvelle diffusion. C'était à une heure le c'est premier. Ça. Et je me rappelle très bien l'avoir entendu, je ne sais pourquoi, à ce moment-là, dans un sentiment peut-être de curiosité, désarroi tout à la fois, j'étais sur les quais de Bordeaux et j'ai entendu un poste de radio qui parlait très fort dans un tout petit bistrot des quais. Ah, c'est extraordinaire. Je suis entré. Et au début, je n'ai rien compris, car j'avais des fonctions à la préfecture de la Gironde, et à ce moment-là, j'entendais les voix officielles, et cette voix qui parlait était en contradiction avec ce que disaient les autres radios, et je ne comprenais pas quelle pouvait en être l'origine, et ce n'est qu'à la fin que j'ai compris que c'était l'appel de Gaulle. Bah, j'ai eu un souvenir. Et j'ai entendu alors dans ce milieu de marins, de gens très simples, vous connaissez le port de Bordeaux tous les deux, qu'il avait pris, je ne sais par quel hasard, ou peut-être qu'ils avaient coutume de le faire s'il y avait des marins qui avaient l'habitude d'être en contact avec l'Angleterre et de vouloir conserver l'écoute de la radio, l'ayant découvert peut-être par hasard, et qui tous en étaient absolument bouleversés et avaient, alors vraiment, je ne crois pas du tout trahir ou embellir mes souvenirs, enfin, un sentiment de Valmy. La fin, ils allaient s'engager. C'est bien, c'est bien. Eh bien, moi, j'ai un souvenir assez comique. J'étais allée à la radio, je crois même que c'était le 19 après-midi, pour lire un poème de Peggy, l'admirable morceau où il parle, où dit Dieu, s'il n'avait pas les Français, etc. Alors, je vois là un jeune speaker de la radio, qui était un de mes camarades de théâtre, et que absolument bouleversé, et il y avait bien de quoi, mais il était bouleversé pour lui-même. Et il me sort un revolver de sa poche. Il me dit, voyez-vous, j'ai un revolver pour me tuer. Mais je dis, mon cher, pourquoi voulez-vous vous tuer? Il dit, parce que je suis sûr qu'on va m'appréhender. Enfin, c'est moi qui ai fait toutes les annonces. J'ai dit, enfin, écoutez, ne croyez pas qu'Hitler a les yeux sur vous. Pas de péché, d'orgueil. Pour l'amour du ciel. Si, il faut que je me tue. Je lui dis, non, ne vous tuez pas, croyez-moi, il ne vous arrivera rien. Et en effet, je l'ai revu depuis, il ne lui est rien arrivé. Revenons à l'arrivée du gouvernement. Jean-Pierre Morfait, voulez-vous nous apporter un témoignage sur cet événement? L'arrivée du gouvernement a eu lieu exactement dans l'atmosphère que situait tout à l'heure Mme Simone, c'est-à-dire dans cette atmosphère à la fois affreuse et baroque. Oui, le désordre. On voyait des voitures de toute origine mêlées avec une ambulance de la banlieue de Paris, avec une voiture de pompe funèbre de Fontenay-le-Comte, et puis un autobus de Paris qui avait servi également à transporter des gens pendant l'exode et qui était arrêté, je ne sais pourquoi, d'une façon insolite au milieu de la place des Quinconces, au pied de la colonne des Girondins, et une femme qui faisait sa lessive et qui tendait ses draps et son linge à sécher. Oui. C'était cela l'atmosphère de Bordeaux. On ne peut pas imaginer, je crois qu'il est difficile d'imaginer ce qu'a été cette confusion, ce désordre. Mais vous étiez à la préfecture. J'étais à la préfecture de la Gironde, ce qui fait que dans l'après-midi, j'ai été informé que le gouvernement allait arriver. Et alors ça, avec le sentiment assez étrange des Bordelais, que le gouvernement à Bordeaux, c'était le début du sursaut. Ah oui. Il ne restait plus qu'à avoir la victoire de la Marne. Oui. Il venait s'installer à Bordeaux. Mais ce que vous dites là est très très vrai, car à ce moment-là, tout le monde croyait encore, tout le monde espérait qu'il y aurait la Marne. Moi, je me rappelle très bien que nous l'avons dit les uns et les autres, et on va se ressaisir, et on va se rebattre. Elle est venue, remarquez, avec un peu de retard. Et à ce moment-là, sans doute par une préfiguration des événements qui allaient venir, le logement officiel, le service du logement officiel de la répartition dans les différents bâtiments officiels et dans les hôtels de Bordeaux avait été confié à un amiral. Déjà qui était d'ailleurs un homme fort courtois, j'étais auprès de lui, j'attendais avec le président du conseil de préfecture, et dans le même désordre, nous avons vu arriver Kempinski tout seul, cherchant son cabinet, demandant où les réunions des parlementaires, où la réunion des ministres pouvait avoir lieu, Herriot qu'on avait envoyé à la préfecture au lieu de l'envoyer à l'hôtel du préfet qui est dans un bâtiment différent de Bordeaux, tout ceci dans une extrême confusion, et à la préfecture on attendait le ministre de l'Intérieur, qui était Nordel. Et puis au bout de quelques heures, alors que, soit avec une assez grande émotion, soit avec quelquefois aussi un certain sentiment de la fonction qui demeure et une certaine exigence, les ministres et les parlementaires arrivaient les uns et les autres. On a appris que Mandel était arrivé tout seul au début de l'après-midi, s'était installé tout seul dans un petit bureau, était déjà au travail. Oui, oui, comme toujours. Je crois que nous pouvons en rester là, car il ne s'agissait pas pour une fois de confronter des témoignages sur un point tout à fait précis, mais d'évoquer, comme le disait Simone tout à l'heure, une atmosphère, et je crois qu'elle est assez bien ressortie des quelques conversations que nous venons d'avoir. Avant de nous quitter, je vous rappelle que tous ceux qui ont assisté à un des matchs célèbres de Carpentier, soit du début, soit de la fin de sa carrière, veuillent bien m'écrire, et je choisirai parmi les témoignages les plus intéressants pour fixer le match qui sera l'objet de notre émission ensuite. Et c'est un appel encore que je lance aux auditeurs, je consacrerai une émission au célèbre procès Landru. Il semble qu'il y ait encore beaucoup de témoins qui aient assisté à ce procès, qu'ils veuillent bien se manifester. Je vous rappelle qu'il faut écrire à la radiodiffusion française, 107 rue de Grenelle, à Paris. C'était Soyez témoins, une émission d'André Gillois, avec Madame Simone, Jean-Pierre Morfet et Jean Auberlé. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfet. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er mars 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.